Put your hands together one time. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à Entrepod. Aujourd'hui, j'ai avec moi JP. Salut. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien. Le pauvre JP qui doit me supporter déjà pendant presque toutes les leçons. Oh, mais c'est pas comme ça, Amaury. Et voilà, je l'ai invité ici pour cette nouvelle émission d'Entrepod. Merci. Merci à toi de venir. Donc, on est relax, c'est le week-end. Oui. On se détend. Mm-hmm. C'est Entrepod. On va parler tranquillement ensemble. Ok. Je suis très content de t'avoir ici dans le studio, JP, parce que je peux le dire, je te considère comme un ami de la langue française. Ah, merci. Un ami de la francophonie. Ok. Tu vas me donner une médaille. En France, ça s'appelle la Légion d'honneur. La Légion... Waouh. Et je chanterai la Marseillaise. Waouh. Je sais que c'est ton rêve, JP. Alors... Je vais te demander pourquoi tu as commencé à apprendre le français. Mais j'ai commencé le français à l'école secondaire. Ouais, pourquoi c'était obligatoire ou bien non, t'as choisi? Chez nous, tout le monde doit étudier des langues étrangères. D'accord. Et on pouvait choisir entre le français, l'espagnol, l'allemand et le japonais. Ah, d'accord. Et à cette époque-là, j'avais 13 ans. Et... Il n'y a pas si longtemps que ça, JP. C'était hier. Ouais. Mon ami qui s'appelait Sean, il me disait, bon, il faut vraiment étudier le français parce que les filles aiment plus les hommes qui parlent français. Ouais. Alors, je me suis inscrit dans le programme de français. Ouais. Et puis, mon ami Sean, il s'est inscrit dans le programme de japonais. Quand même. Quand même. Il a changé d'avis. Oui. Il a changé la C'est quoi ça? Il est plus intéressé par les filles? Je sais pas. Et c'était quoi sa raison d'étudier le japonais? Tu sais, à cette époque-là, aux États-Unis, tout le monde disait que le japonais allait devenir la langue du futur. Ah bon? La langue de l'avenir. Ouais. Alors, ben, c'est pas passé comme ça. Ouais. Et moi, j'ai appris le français. Bon, en tout cas, je remercie Sean. C'est une très bonne chose qu'il a faite. Et alors aussi, parce que tu disais chez toi... Toi, tu viens de la côte ouest des États-Unis. Oui, de Seattle. Voilà, donc mm-hmm. c'est là que tu as grandi. Oui, oui. Et donc, ça a commencé donc, voilà, à 13 ans, à l'école secondaire. Mm-hmm. On s'est étudié le français. Oui, j'ai continué avec les études françaises à l'université. Et puis, à l'université, j'avais la chance d'aller étudier en France. Ok, ça, on reviendra un peu plus tard, là, justement, où tu es allé en France, parce okay. que c'est vraiment intéressant. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans la culture française? La cuisine. Numéro 1. Ouais. On mange bien en France quand même. C'est vrai que la gastronomie française, c'est connu. Mm-hmm. Mais c'est aussi une langue assez riche au niveau artistique. Ah oui, tout à fait. Point de vue littéraire. Mm-hmm. Est-ce que ce côté t'intéressait également? Oui, bien sûr. C'est pas que j'ai lu les grandes auteurs. J'ai jamais lu Molière, Voltaire, Descartes. J'ai jamais lu. Mais Guy de Maupassant. Maupassant. Oui. Pagnol, Marcel Pagnol. Frédéric Mistral. Frédéric Mistral. Oui, oui, tout à fait. Ça, je connais pas. Ben, il est très important en Provence. Ok, d'accord. Il est provençal. Ok. C'est un auteur contemporain? Non, il est du siècle passé, Frédéric Mistral. J'en apprends aussi également ici, oui. sur la culture française. C'est excellent. Mm-hmm. Et sinon, ce qui est bien aussi quand on apprend une langue, il y a les livres, mais c'est aussi de pouvoir regarder les films mm-hmm. dans la langue. Est-ce que toi, il y avait des films français ou des acteurs? Bon, j'ai pas vu beaucoup de films français, en français, mais je me souviens qu'à l'université, on regardait Jean de Florette, Manon des Sources, ouais. tout ce qui est obligatoire à l'université. Vous étiez obligé de regarder ces films? Oui, oui. C'est bizarre parce que c'est comme tu citais avant les livres, ouais. c'est des films qui concernent le sud de la France, la Provence. Oui, c'est ça. À mon avis, t'avais un professeur qui était provençal là-bas, qui venait du sud de la France. Non, c'est que j'avais étudié en Avignon, au sud, en Provence. D'accord. Ah, c'est ça. Donc, il voulait que tu regardes des films de la région. Ouais, voilà. D'accord. Mais je dois dire que ce sont des très bons films. Jean de Florette, mm-hmm. La gloire de mon père, le château de ma mère. Moi, je considère que ce sont des très bons films. Mm-hmm. Et qui sont situés, évidemment, dans une très belle région, la Provence. Oui. Et donc, toi, tu as eu la chance d'aller à Avignon. Mm-hmm. Oui. Avignon, qui est une ville très célèbre en France, car il y a un festival de théâtre. De théâtre, le Palais des Papes, puis, voilà, le pont d'Avignon, bien sûr. Oui, donc le pont d'Avignon, qui a un bâtiment en pierre, et il y a la chanson aussi. Sur le pont d'Avignon, Tu crois que tout le monde connaît cette chanson? Elle est connue mondialement sur le pont d'Avignon? Ben, tous qui ont étudié le français. On apprend cette chanson après avoir appris Alouette, Jean-Pierre Alouette. Ouais. Juste après. Donc c'est la première ville où tu es allé en France? En fait, avant de commencer le programme en Avignon, on a fait toute une semaine à Paris. D'accord. Oh, j'adore Paris. Oui? J'adore Paris. Oui. Très belle ville. Hein. Oui, oui, oui, tout à fait. C'était ma première expérience dans le métro, dans une grande ville comme ça. Non. Avec les Parisiens. Oui. Et tu sais, pendant toute ma vie, j'ai toujours avait contact avec les gens qui parlaient plusieurs langues, mais surtout l'anglais. Et quand je suis allé à Paris, c'était la première fois que je parlais avec les gens qui ne parlaient pas un seul mot d'anglais. Et pour moi, c'était bizarre. Il fallait réfléchir, quoi. Le matin, il se réveille, il se lève et il pense en français. Toute la journée, que le français. Pour moi, c'était bizarre. C'est vrai que ça va mieux maintenant, ça s'arrange. Mais en France, avant, très peu de gens connaissaient pas, ne parlaient pas anglais. Donc, pas du tout, quoi, pas un mot. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est bien pour toi en même temps. Oui, oui, tout à fait, tout c'est à bien. Fait. Parce que moi, je dis toujours, c'est dur pour les personnes qui parlent anglais d'apprendre une autre langue. Yeah. Parce que à chaque fois que tu arrives dans un pays ou que tu rencontres quelqu'un... Tout le monde te parle en anglais. Exactement, ouais. Et alors, j'ai beaucoup d'amis anglophones qui me disent « Ah, on est nul. Ouais, tout le monde peut parler plusieurs langues et nous, on sait parler qu'anglais, on est nul. » Moi, je crois pas que ce soit vrai. Je crois que c'est simplement les anglophones ont cette facilité d'avoir des gens qui parlent anglais autour d'eux. Oui, oui, oui, c'est ça. Et évidemment, ils n'ont pas la possibilité de pratiquer. C'est ça. Aussi, le cinéma, enfin, une grande partie du cinéma mondial est anglophone. Et je viens toujours à les rassurer, je dis mais non. Oui, oui, oui. Mais tu sais, pour moi, c'était une expérience assez impressionnante. Mais maintenant, si je vais en France, je parle que le français. Je parle pas du tout l'anglais avec les Français. C'est beaucoup mieux comme ça, parler français en France. Comment dire? Pour dire la réalité, les Français ne sont pas les meilleurs en langue, je trouve. Généralement, les Français aiment vraiment beaucoup leur langue. Oui, oui, oui. Et je trouve qu'ils ne sont pas extraordinairement bons dans les langues. Ça se dit, hein, c'est généralement les Latins en général. Tu vois, les Espagnols, les Italiens, dans le nord de l'Europe, sont bien meilleurs en langue. Oui, tout à fait. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas qu'ils le cherchent, mais tu as des situations comme ça où tu as un groupe de personnes étrangères. Et s'il y a seulement deux Français dans le groupe, tu peux être presque sûr que les Français vont commencer à parler en français. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est incroyable. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu as vu Avignon. Oui, Paris. Ouais. Bordeaux. Waouh. L'entrepôt précédent, c'était concernant Bordeaux. Oui, Bordeaux, toute la région bordelaise. Libourne, Saint-Émilion. Où il y a le vin. Pomerol, oui. Ouais. Je suis très, très vin. Et alors, j'aimerais te demander une dernière chose, c'est que quand tu es, toi, arrivé en France, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment... Enfin, qui t'a choqué, quoi, mais qu'est-ce qui t'a paru le plus... Bon, c'est pas un pays exotique non plus, à non. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a trouvé vraiment surprenant? Il y a. Quand t'es arrivé? Il y en a. Ouais. Il y en a quelque chose. Attends, quand je te vois là, on dirait qu'il y en a beaucoup. Vas-y. Ouais. Ok, je crois que la chose la plus impressionnante que j'ai vue, et mes élèves ont noté la même chose parce que je voyageais avec des élèves. Donc tu es d'abord allé toi en tant qu'étudiant et après tu es retourné avec des élèves. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'était que les hommes portaient des pantacours. Les pantacours? Oui. Il n'y a pas ça aux États-Unis? Non. Que les femmes portent des pantacours, des capri pants. Voilà, c'est ça, ouais. Mais les hommes, jamais. Il y a des shorts, le short. Qui ont jusqu'au genou. Oui. Ouais. Et le pantalon, et entre pantalon et short, il n'y a rien. Mais en France, pantacourt. C'était vraiment choquant. Ouais, pour dire la vérité, j'étais à l'étranger quand ça a été la mode en France. Ouais. Et je suis revenu. Quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Je mettrai une photo de pantacourt pour que tout le monde voit bien ce que c'est, peut-être. Tu en as? Pantacourt? Après, j'en ai acheté un. Victime de la mode, j'ai dit. Alors au début, j'ai dit non, c'est n'importe quoi, c'est laid. Et puis après, un mois après, j'en ai un. Enfin bon. Et toi, après, tu en as mis en France? Jamais. Non? Non. J'ai pas osé m'en acheter. C'est bête, j'étais en France il y a 15 jours. Si j'avais su, je t'en aurais ramené un, JP. Ok. La prochaine fois. Ok. Ok, en tout cas, j'étais vraiment ravi de te recevoir ici. Merci. Et ben voilà, on se retrouve de toute façon cette semaine, évidemment. Oui, évidemment, dans les leçons. On a vraiment des leçons intéressantes cette semaine. Ok. Donc on espère tous vous retrouver sur FrenchPod. N'hésitez pas à donner vos commentaires, vos suggestions. On est là pour vous. À bientôt. Très bon week-end à tous. Au revoir.